La légende du rossignol. Прослушайте текст и объясните, почему соловей вынужден петь каждую ночь. Cela se passait il y a bien longtemps. Si longtemps même que la date exacte en a été oubliée sur les pentes ensoleillées et arides de la montagne berbère. Dans l'entrelacement des branches noueuses d'un vieux cep de vigne qui avait poussé là, un couple de rossignols avait bâti son nid. Tandis que la jeune femelle couvait consciencieusement ses œufs tout au long des jours et des nuits, le mâle, lui, volait à la recherche de moucherons sans trop s'écarter toutefois du nid, dont il assurait une garde vigilante. C'était en juin, et la vigne, sous l'action bienfaisante du soleil, poussait magnifiquement. Or, un soir, le rossignol, fatigué par des courses plus longues qu'à l'ordinaire, s'endormit profondément sur le bord du nid, pour ne s'éveiller qu'au matin. À sa stupéfaction, il constata alors que sa femelle et lui-même étaient devenus prisonniers des vrilles de la vigne, dont la poussée exubérante avait formé durant la nuit une cage inattendue. Après bien des craintes et des efforts, il parvint enfin à se libérer et à dégager sa couvée. Mais l'alerte avait été chaude. Pour se tenir éveillé et ne plus s'exposer à l'avenir à semblable péril, il prit la décision de chanter chaque nuit. Et ce chant, en souvenir de cette fâcheuse aventure, répète, dit-on, dans son trille harmonieux, la phrase suivante : « Je ne dormirai plus, jamais plus ».